Tu te dis parfois peut-être que tu n'aurais jamais dû naître. Tu te répètes souvent très fort que tu devrais être déjà Jean-Philippe.